étoiles de musique qui rythment nos vies. C'est une drôle de musique, tu danses et tu ris. Une drôle de musique de Londres à Paris. Mais cette drôle de musique nous chante et nous dit Viriple, t'es pas loin du bonheur. Triple, t'es pas loin de ton cœur. Viriple, t'es pas loin du meilleur. Viriple, très très loin de tes peurs. C'est une drôle de musique qui frappe ce piano. C'est une drôle de musique qui colle à la peau. Une drôle de musique de Fèves-à-Rio. Et cette drôle de musique nous joue ce tempo. Viriple, c'est pas loin du bonheur. Viriple, c'est pas loin de ton cœur. Viriple, c'est pas loin du meilleur. C'est une drôle de musique, une onde de choc. C'est une drôle de musique, taillée dans le roc. Une drôle de musique, d'un conga au stock. Et cette drôle de musique, c'est juste trois notes. Viriple, c'est pas loin du bonheur. Viriple, c'est pas loin de ton cœur. T'es pas loin du bonheur. T'es pas loin de ton cœur. T'es pas loin du meilleur. Très loin de tes peurs.